Était-ce une bavure ou bien une action délibérée? Il est question ici du bombardement de l'ambassade chinoise de Belgrade lors de la guerre du Kosovo en 1999, il y a donc tout juste 10 ans. Dans la nuit du 7 au 8 mai, des bombardiers furtifs B2, arrivés tout droit des États-Unis, larguent 3 bombes autoguidées sur le bâtiment 9 abritant la mission diplomatique chinoise. Les dégâts sont considérables et 3 citoyens chinois périssent dans les décombres. Très vite, les autorités de l'OTAN, qui supervisent ces frappes aériennes sur la Serbie de Milosevic, présentent leurs excuses. Une erreur de carte serait à l'origine de cette tragique erreur. Mais, naturellement, Pékin refuse cette version et évoque un crime de guerre et une action barbare perpétrée par la CIA. Alors que le président Clinton, embarrassé, exprime ses regrets sincères et adresse ses condoléances au peuple chinois et à ses dirigeants, des centaines de milliers de manifestants envahissent les rues chinoises et s'en prennent aux ambassades états-uniennes et britanniques. Bien évidemment, la spontanéité de ces mouvements de foule ne fait pas illusion. Ces manifestations sont orchestrées par le gouvernement communiste, de même que les attaques de hackers chinois qui ont suivi contre les sites gouvernementaux états-uniens. Les relations sino-américaines, déjà affectées par une récente affaire d'espionnage, sont alors au plus mal. Et il faudra plusieurs mois avant qu'elles ne s'apaisent. Mais au-delà de ces excuses et des éruptions de mauvaise humeur, que cache exactement cette affaire qui ne doit peut-être rien au hasard? Dissimule-t-elle, des deux côtés, des objectifs inavouables? Monsieur X tente d'y voir plus clair. Mai 1999. Le rapprochement de ces deux dates m'a toujours intrigué. Que voulez-vous dire là? Mai 1989, c'est le début des manifestations étudiantes à Pékin sur la place Tiananmen. Une révolte qui sera réprimée dans le sang au début du mois de juin. On parlera même de massacre. À juste titre. Et 10 ans plus tard, mai 1999, c'est donc le bombardement de l'ambassade chinoise de Serbie. D'accord, mais enfin, quel rapport hein? À Pékin, le pouvoir ne voyait pas arriver ce 10e anniversaire sans une certaine appréhension. Parce qu'il y avait le risque d'assister à de nouvelles manifestations. Et qu'il y avait aussi la possibilité que les mouvements occidentaux en faveur des droits de l'homme n'en profitent pour se livrer à des démonstrations anti-chinoises. À Pékin. Les autorités étaient d'autant plus préoccupées que la secte Falun Gong venait de réussir une manifestation de force en réunissant plusieurs milliers d'adhérents devant le siège du gouvernement. Alors, soyons clairs, vous insinuez donc que ce bombardement de l'ambassade de Belgrade arrivait à point nommé pour faire oublier tout cela. Insinuer, je me pose en effet la question. Je veux bien, mais ce ne sont quand même pas les Chinois qui ont bombardé leur propre ambassade. Bien sûr. Mais peut-être ont-ils tout fait pour qu'elle soit frappée. Toutefois, comme d'habitude, n'allons pas trop vite. Ouais, puis vous finirez bien par dissiper ce mystère. À condition que je fasse une nouvelle fois preuve de patience. Voilà, nous sommes d'accord. Vous avez tout compris. Hein, ouais. Alors le contexte d'abord. Ouais, l'affaire du Kosovo. Oui, hein. Cette province serbe est agitée depuis que le numéro 1 yougoslave, Slobodan Milosevic, a rayé d'un trait de plume son statut d'autonomie. Et ça, c'était en 1989. Et depuis cette décision, les forces de sécurité serbes répriment violemment toutes les manifestations d'opposition de la population qui est majoritairement d'origine albanaise. Une population qui, néanmoins, résiste. À la fois sur le plan politique, mais aussi militaire, quand l'oppression se fait trop forte. C'est en 1996 qu'apparaît l'UCK, c'est-à-dire Armée de Libération du Kosovo. En 1998, l'armée serbe, qui reçoit l'aide de bandes de paramilitaires, multiplie les actions de force et les exactions. Un rapport de l'ONU parle même d'atrocité. Mais l'ONU, justement, que fait-elle là? Elle essaie de s'interposer. L'ONU, mais aussi les puissances occidentales. Toutefois, visiblement, Milosevic n'entend pas céder. Alors qu'il a dû reculer quand même hein, dans toutes les autres entités de l'ex-Yougoslavie. Ce sont les forces armées de l'OTAN qui ont imposé la paix et en demeurent encore garantes. Il est alors évident que pour les Serbes, le Kosovo est un symbole historique, celui du berceau de leur patrie. Oui, ils ne l'abandonneront que contraint et forcé. Ils ont même élaboré un véritable plan d'épuration ethnique. Qui consiste à chasser tous les individus d'origine albanaise. Oui, ça commence au mois de mars. Vous vous souvenez sans doute de ces longues files de réfugiés qui fuient par centaines de milliers vers l'Albanie voisine. C'en est trop pour les pays de l'Alliance Atlantique qui, après avoir menacé en vain et tenté de négocier à Rambouillet et à Paris, entreprennent fin mars 1999 une campagne de frappes aériennes sur la Serbie. Tandis que l'exode forcé des Kosovars albanais se poursuit. Hein. Avec encore plus de brutalité, oui. Les bombardements des forces de l'OTAN sont dévastateurs. Et il y a plusieurs bavures. Ah oui, qui font des dizaines de morts, des civils. Quoi qu'il en soit, et malgré les terribles destructions qui ruinent son pays, Milosevic tarde à s'incliner. Il faudra attendre le mois de juin. Hein. Après 78 jours et nuits de bombardements intenses, et aussitôt une force de paix de l'OTAN, la KFOR entrera au Kosovo. Mais revenons en arrière, puisque c'est le 8 mai, donc au beau milieu de cette campagne de bombardement, que l'ambassade chinoise de Belgrade a été frappée. Et on pense bien sûr tout de suite à une nouvelle bavure. Ah bah c'est évident, hein, c'est ce qui apparaît d'emblée dans les explications données par l'OTAN au lendemain de cette frappe aérienne qui a fait 3 morts. Ouais, 3 Chinois. Et pas n'importe lesquels, mais ça je reviendrai sur ce point précis. Alors que disent les représentants de l'OTAN? Pour eux, tout viendrait d'une erreur de ciblage, elle-même provoquée par l'utilisation d'une carte obsolète. Une carte de la ville de Belgrade. Oui, l'emplacement de l'ambassade chinoise de construction récente, à peine 3 ans, n'aurait pas figuré sur ces documents. Et le bâtiment aurait été confondu avec un immeuble proche, celui de la Direction fédérale de l'armement. Ça semble énorme, non? Surtout quand on sait qu'au même moment, l'un de vos confrères s'est procuré à Belgrade un bon plan actualisé de la ville pour l'équivalent de quelques euros. Un plan où était située l'ambassade. En effet. Ouais. En outre, on ne me fera jamais croire que les officiers de l'OTAN se sont seulement fiés à un vieux plan de Belgrade pour localiser leur cible. D'autre part, cette représentation diplomatique chinoise sur laquelle flottait le drapeau rouge de la République populaire, avait été construite dans un nouveau quartier encore relativement désert. Ce qui limite donc les possibilités de confusion géographique. Et puis franchement, à l'heure des satellites et des drones, j'ai du mal à comprendre. Je suis persuadé que les militaires occidentaux disposaient d'agents locaux. Des espions. Naturellement. Donc vous ne croyez pas à la bavure? Attendez, je n'ai pas encore dit cela. Il y aurait pu avoir une erreur bureaucratique. C'est-à-dire? Le processus d'établissement des cibles était particulièrement compliqué. Au sein de l'OTAN, donc. Oui, alors je résume. La liste des cibles était proposée par les militaires d'une base de l'OTAN située en Italie. Puis ce document était envoyé au QG de l'organisation à Bruxelles, afin d'être confirmé. Et ensuite, la liste était communiquée aux différentes capitales des pays engagés. Ouais, pour une validation finale. Et on peut imaginer qu'il aurait pu y avoir une confusion au cours de ce processus bureaucratique très lourd. Cependant, je n'y crois guère. Justement parce que la liste de ces cibles faisait l'objet de maintes et maintes vérifications. Et justement, on a appris ensuite qu'un agent de la CIA qui avait reçu communication de cette liste avait émis des réserves. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il avait des doutes sur la localisation précise de la Direction fédérale des armements. Ouais, qui était en principe la cible désignée. Par conséquent, il avait alerté plusieurs bureaux de l'OTAN, mais en vain. Personne ne l'a écouté. Ah oui, alors ça c'est sans doute pas tout à fait innocent. Hein. Non, on peut le penser. Ouais. Et l'erreur humaine alors? Là encore, elle me semble improbable. Les pilotes des B-2, ces fameux bombardiers furtifs, disposaient de missiles qui avaient été préalablement et électroniquement programmés. Et le guidage radioélectrique de ces engins ne permettait pas à l'équipage de prendre des initiatives personnelles. Mais j'ai entendu dire, moi, que l'armement de l'OTAN était parfois vieillot, en tout cas... Pas toujours très performant. C'est vrai, mais en l'occurrence, les B-2 et leur armement très sophistiqué dépendaient entièrement des forces aériennes des États-Unis. D'ailleurs, les bombardiers avaient décollé de leur base habituelle située dans le Missouri. Ah ouais, long voyage. Mm-hmm. Autre question, là. J'imagine qu'après ce grave incident et les protestations indignées des Chinois, il y a dû y avoir une enquête. Forcément. Mm-hmm. Mais tout cela relevant du renseignement militaire et donc couvert par le secret défense, le bon peuple n'en a rien su. On a seulement appris beaucoup plus tard que 7 agents de la CIA avaient été sanctionnés. Quoi, des boucs émissaires? C'est très probable. Fallait montrer aux Chinois que cette tragique méprise ne resterait pas impunie. Mais sur le fond, ça n'a pas changé grand-chose. Hein. La version officielle est toujours celle de l'erreur, de la bavure. Hein. Bien entendu. Et c'est cette version qu'un sous-secrétaire d'État états-unien a été chargé de présenter aux autorités chinoises en juin 1999. Il a évoqué une succession de faux pas, cibles mal définies, cartes périmées, processus de décision défectueux. Mais Pékin ne l'a pas entendu ainsi et a rejeté cette explication avec mépris. Je crois même qu'un dirigeant chinois a parlé de plaisanterie douteuse. En tout cas, enfin, ni l'OTAN ni les États-Unis n'ont jamais reconnu que ce bombardement aurait pu être sciemment exécuté, hein, et que l'ambassade chinoise était donc une cible. Et pourtant, les arguments en faveur de cette dernière thèse n'ont cessé de s'accumuler et de paraître de plus en plus convaincants. Rendez-vous avec X. Le bombardement de l'ambassade chinoise de Belgrade a été incontestablement très violent. Et si 3 citoyens chinois ont été tués, on relèvera une trentaine de blessés, dont certains très grièvement. Dans son très dense ouvrage sur les services secrets chinois, Roger Faligaud évoque les réactions à Pékin. Dans les heures qui suivent, Des manifestations se produisent en Chine. Place Tiananmen, 10 ans après le massacre des étudiants démocrates, leurs petits frères protestent en arborant des pancartes représentant Guernica, le célèbre tableau de Picasso qui évoque le bombardement nazi de la ville basque pendant la guerre d'Espagne, ou des placards au slogan vengeur, « Abat l'impérialisme américain !» et, plus malicieux, « Non, Clinton, nous ne sommes pas Monica !» Une évocation explicite du scandale qui taraude l'Amérique à propos des relations torrides du président avec sa secrétaire stagiaire Monica Lewinsky. À la Maison-Blanche, Bill Clinton, dépassé par la situation de guerre, essaie de joindre son homologue chinois qui refuse de le prendre au téléphone et l'oblige ainsi à s'excuser en public. Au Pentagone, un docteur Folamour a-t-il déclenché la frappe à son insu ? Dans ses mémoires, l'ancien président reprend l'explication selon laquelle la CIA a utilisé par inadvertance de vieilles cartes qui présentaient l'ambassade comme bâtiment officiel serbe utilisé à des fins militaires. C'est oublié un peu vite qu'il s'agit d'un nouveau bâtiment diplomatique construit 3 ans plus tôt. L'ouvrage de Roger Faligo, « Les services secrets chinois de Mao Ogio » a été publié par Nouveau Monde en 2008. Avant de voir pourquoi la thèse de la méprise semble improbable, il faut d'abord parler de l'attitude de la République populaire de Chine à l'égard de cette campagne de frappes aériennes engagée par l'OTAN. Pékin, n'oublions pas, a manifesté d'emblée son hostilité à la politique occidentale dans l'ex-Yougoslavie. C'est-à-dire que les Chinois soutenaient Milosevic. Et cette connivence est apparue de façon encore plus évidente dès qu'il s'est agi du Kosovo. J'imagine que cette position n'était pas dénuée de considérations de politique intérieure. Bien entendu, parce que la Chine devait aussi faire face chez elle à des tentatives de séparatisme nationaliste. Ouais. Au Tibet. Et également au Xinjiang, où les populations ouïghours se montraient de plus en plus remuantes. Et puis, il y a toujours Taïwan, dont la République populaire de Chine affirme qu'elle doit lui être attachée un jour ou l'autre. Ouais. Par conséquent, alors, Pékin tenait par-dessus tout à ce que ne soit pas remise en question la souveraineté de la Serbie sur le Kosovo. Et remarquez-le bien, à contrario, cette même question permettra à Moscou en 2008 de proclamer de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie, après la mini-guerre qui l'a opposée à la Géorgie. À cause du précédent Kosovar. La Chine manifeste donc très tôt sa mauvaise humeur. En tout cas, dès que l'OTAN laisse entrevoir son intention de s'engager militairement, si Milosevic continue sa politique de purification ethnique au Kosovo. Et il faut remarquer qu'en l'absence d'unanimité au sein du Conseil de sécurité, l'OTAN va intervenir sans avoir obtenu un mandat explicite des Nations Unies. Ce que Pékin, mais aussi Moscou, vont aussitôt condamner avec la plus grande fermeté. La Chine, par exemple, considérera que l'Alliance Atlantique violera le droit international en bombardant la Serbie et ne dissimulera pas le soutien politique qu'elle accorde à Milosevic. Un soutien informel, Pékin ne pourra guère aider matériellement le dictateur serbe, étant donné la distance entre les deux pays. Hein. Certes, mais vous verrez dans la suite de cet entretien que ce soutien ne s'est pas limité à quelques paroles d'encouragement. Bon, un peu de patience toutefois. Dans ces conditions, lorsque des missiles tomberont sur leur ambassade de Belgrade, les Chinois imagineront immédiatement que l'OTAN et donc principalement les Américains ont voulu se venger. Oui, réaction assez normale. Hein. Mais au reste, en 1999, là, où en étaient les relations sino-américaines avant le bombardement, bien sûr? Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles n'étaient pas très simples. Il y avait d'abord eu, vous en souvenez, le spectaculaire voyage de Nixon en Chine. Ah oui, ça c'était en 1972. Oui, oui. Après, avec cette visite, Nixon cherchait visiblement à en finir avec la guerre du Vietnam, mais aussi à embarrasser l'URSS. Ensuite, ça va très vite. Les États-Unis et la Chine commercent de plus en plus et s'entendent comme larrons en foire dès qu'il s'agit d'espionner l'URSS. Ah oui, à partir du territoire chinois. Hein. Oui, cette complicité objective se poursuit sous les présidents américains suivants. Ouais, mais il y a Tiananmen. Et malgré le réalisme politique des États-Unis, la question des droits de l'homme obscurcit un temps les relations entre les deux pays. Ça ne dure pas très longtemps. Non, lorsque Clinton arrive à la Maison-Blanche, on entre dans une nouvelle période de coopération économique à grande échelle. D'ailleurs, à Washington, on est convaincu que ce sont les relations commerciales qui permettent idéologiques et même stratégiques. Et la Chine joue le jeu, car elle aspire à intégrer l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Le point d'orgue, si j'ose dire, c'est le voyage de Bill Clinton en 1998. Une visite exceptionnellement longue, hein? 9 jours. Ah oui. On est alors en plein flirt, mais ça commence à se gâter avant le printemps 1999. Et donc, avant le bombardement de l'ambassade de Belgrade. Et c'est une affaire d'espionnage qui brouille les rapports entre les deux puissances. Expliquez-la. Quelques jours après le début des frappes aériennes contre la Serbie, un éminent physicien d'origine chinoise, le professeur Li, qui travaille au centre de recherche nucléaire de Los Alamos, est soupçonné de travailler pour les services de renseignement de Pékin. Et c'est vrai ? Non. Non, le FBI devra même reconnaître un peu plus tard qu'il a fait fausse route en jetant le professeur Li en prison. Mais si vous voulez le fin mot de cette histoire, il est presque certain que Li a été donné par les services chinois qui lui reprochaient de ne pas vouloir coopérer avec eux. Oui, une sorte de vengeance. En effet, et ouais. Il n'empêche que ce climat d'espionnite empoisonne les relations entre les deux pays. D'autant que 2 semaines seulement après le drame de Belgrade, un copieux rapport états-unien révèle que les services chinois se livrent à un pillage systématique des secrets technologiques occidentaux. Ouais. À l'image de ce que pratiquaient auparavant les soviétiques, hein, à l'instigation de Yuri Andropov. Hein. Exactement. Ouais. Et la publication du rapport Fox jette un froid supplémentaire sur les relations sino-américaines. Alors, s'agit-il simplement d'une coïncidence de date entre la révélation de ces opérations systématiques d'espionnage et l'affaire du bombardement de l'ambassade chinoise? On peut effectivement s'interroger, car à la Maison-Blanche, on n'a évidemment pas attendu la publication du rapport Fox pour découvrir que les Chinois tentaient de s'emparer des principaux secrets technologiques américains. Et c'est l'occasion de revenir sur la personnalité des citoyens chinois qui se trouvaient à l'intérieur de l'ambassade chinoise de Belgrade. Parmi les 3 morts, il y avait 2 journalistes. Officiellement, c'est ainsi qu'ils ont été présentés. Ouais, je vois ce que vous voulez dire, là. Ils auraient pu aussi appartenir au service secret. C'est très probable. D'autre part, il est intéressant d'observer que l'un des missiles téléguidés a frappé directement le bureau d'un certain Ren Baokai. Or, ce colonel attaché militaire de l'ambassade était en réalité un agent du renseignement militaire chargé, entre autres, des liaisons avec l'armée serbe. Et vous pensez qu'il a été sciemment visé? Je le crois, oui. S'en est d'ailleurs tiré avec de graves blessures. Donc, à vous entendre, cette ambassade chinoise était un vrai nid d'espions. Comme beaucoup d'autres représentations diplomatiques. Il était donc tentant de frapper un grand coup et de donner un sérieux avertissement aux services chinois en s'attaquant à leur principale résidence dans l'ex-Yougoslavie. Ouais, mais attendez, ça, c'est quand même une pure supposition. Peut-être, mais les Chinois, eux, ne s'y sont pas trompés. Ils ont tout de suite compris le message. Comment pouvez-vous le savoir ? Les Américains ont ensuite intercepté une communication radio entre Belgrade et Pékin qui prouvait à l'évidence que les agents chinois présents en Serbie avaient très bien compris ce message. Oui. Pour Washington, l'occasion était trop belle, c'est bien ce que vous voulez insinuer. Là. Absolument, mais je dois aussi vous dire qu'à cet objectif purement démonstratif et même symbolique, s'est aussi ajoutée une visée beaucoup plus stratégique. Quoi alors ? Mais il y avait déjà un certain temps que les chefs de l'Alliance Atlantique soupçonnaient les Chinois de Belgrade de donner un sérieux coup de main à l'armée de Milosevic et donner un coup d'arrêt à cette collaboration, ça méritait bien de risquer une bavure, non? Ou en tout cas, ce qui serait ensuite présenté comme une bavure. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. On l'a compris, Monsieur X doute de cette thèse de la bavure. D'autant que l'OTAN ne dispose pas de services de renseignement et reste tributaire des informations qui lui sont fournies essentiellement par les Américains. C'est la NIMA, N-I-M-A, qui coordonne ce travail, c'est-à-dire la National Imagery and Mapping Agency. Dans un numéro de mai 1999, le spécialiste militaire du Monde, Jacques Isnard, décrit son travail. Forte de ses 9000 collaborateurs sous les ordres d'un contre-amiral, l'ANIMA est plus spécialement responsable du travail de repérage des objectifs et de leur ciblage numérique à partir de cartes satellitaires susceptibles d'être confrontées avec des cartes banales, cartes routières, cartes d'état-major, cartes postales. Depuis Fairfax, en Virginie, l'ANIMA participe à tous les programmes topographiques du Pentagone. C'est elle qui a conçu les techniques de numérisation des territoires et de leur relief qui permettent de transformer des images satellitaires ou autres en images à trois dimensions. Ces images sont chargées dans la mémoire d'un avion ou d'un missile qui vont suivre le terrain au plus près et auquel est ainsi désignée la cible éventuelle. Mais, souligne le même Jacques Isnard, ce travail est insuffisant. Outre les erreurs imputables à la préparation des listes des cibles, le dispositif allié présente d'autres défaillances. Il manque en particulier un pion essentiel, le renseignement humain, ce qu'on appelle aussi le fantassin éclaireur ou le commando susceptible d'aller clandestinement plus près de l'objectif potentiel, voire un spécialiste infiltré qui bénéficierait ou non de complicité sur place. L'OTAN a peu d'équipes aptes au renseignement humain. Les pays membres les lui fournissent au compte-gouttes. Autant d'arguments qui pourraient expliquer la bavure, mais M. X n'y croit pas. Vous avez parlé de collaboration militaire entre l'ambassade de Chine et l'armée serbe. Bien sûr. Il ne s'agit pas de fournir des armes aux Serbes qui n'en ont d'ailleurs pas forcément besoin, tant leurs arsenaux sont bien approvisionnés depuis l'éclatement de la Fédération yougoslave. Oui, c'est l'armée serbe qui a tout raflé. Hein. C'est à peu près ça, oui. Même si Pékin a sans doute violé l'embargo international sur les livraisons d'armes à plusieurs reprises. Non, là je veux parler d'une coopération beaucoup plus subtile. Mais auparavant, il faut souligner que la Yougoslavie et la Chine entretenaient d'excellents rapports depuis au moins une vingtaine d'années. Et leurs services de renseignement respectifs procédaient régulièrement à des échanges. Et ça s'est poursuivi après les guerres des Balkans et l'explosion de la Fédération. Oui, et tout au long de ces sanglants conflits, Pékin a choisi résolument de soutenir Milosevic. Il convient d'ailleurs de remarquer que c'est la Chine qui représentait les intérêts serbes à Washington. Ah oui. La Chine et non pas la Russie qui était aussi à divers titres très proche de la Serbie. Hein. C'est la vérité. Et l'excellence de ces relations sino-serbes s'est naturellement poursuivie lorsque l'OTAN a choisi de punir le dictateur serbe en frappant son pays. Encore un mot à ce propos. Les services chinois ont sérieusement imaginé la possibilité d'exfiltrer Milosevic à la fin de la guerre, au mois de juin. Oui, mais l'exfiltrer, mais pour le conduire où? Mais en Chine, bien sûr. Ah bon? Tout était prêt. Mais c'est Milosevic lui-même qui a décidé de rester en Serbie. Là où il a fini par être arrêté et transféré à la Haye devant le tribunal pénal international. Quoi qu'il en soit, vous voyez donc que cette amitié sino-serbe allait très loin. Mais matériellement, sur quoi cette coopération a débouché? Dans une guerre telle que celle que l'Alliance Atlantique a déclenchée, le secteur crucial est celui des télécommunications. Et les premières cibles des bombes et des missiles de l'OTAN ont été les relais, les émetteurs et les centraux téléphoniques. Afin de paralyser l'armée, c'est comment hein, oui, et ses possibilités de riposte antiaérienne. C'est ainsi que le système militaire de transmission par ondes courtes a été rapidement mis hors d'usage. Les agents chinois en poste à Belgrade ont donc proposé à Milosevic de pallier cette difficulté en installant des antennes dans leur ambassade. Il semble même qu'un câble coaxial a été tiré jusqu'à l'ambassade chinoise. Mais bon, enfin, mes connaissances techniques ne me permettent pas d'en dire plus. D'accord. Mais ce faisant, alors, dans l'esprit des alliés, l'ambassade chinoise devenait presque naturellement une cible. C'est bien ce que je voulais vous faire comprendre. Ah bon. Encore un argument qui, pour vous, exclut l'hypothèse de la bavure. Oui, car assez rapidement, dans le flux d'ondes électriques captées par leurs grandes oreilles, les services états-uniens ont sans doute réalisé quel rôle exact jouer l'ambassade chinoise de Belgrade. Je veux bien. Mais Même si les États-Unis étaient tout puissants au sein de l'OTAN, ils devaient quand même obtenir l'accord des autres capitales avant de s'attaquer à une mission diplomatique. C'est parfaitement vrai. Aussi suis-je persuadé que les Américains ont préparé cette affaire dans leur coin, sans en référer aux autres gouvernements. Ouais. Est-ce que c'était possible, ça? Ouais, vous-même dit que le choix des cibles faisait l'objet de maintes concertations avant d'être validé. Certes, et je ne retire rien de ce que je vous ai dit. Je vous rappelle aussi que les bombardiers B-2 ont décollé des États-Unis et non pas d'une base européenne de l'OTAN. Et si vous avez la patience de m'écouter encore quelques minutes, je vous donnerai une dernière preuve qui, je l'espère, vous convaincra. Pour autant, au-delà de ma propre conviction, je ne veux pas éliminer toutes les autres hypothèses qui ont été émises pour justifier cette soi-disant bavure. Alors, bon, laissons de côté cette histoire de carte obsolète qui me paraît seulement relever de la fumisterie et voyons les autres. Voilà, laquelle en particulier ? Jusque-là, nous avons beaucoup parlé de renseignements électroniques, mais assez peu des hommes. Et d'aucuns ont imaginé qu'un agent double aurait pu intoxiquer l'OTAN. À quel sujet? La localisation de l'ambassade de Chine? C'est ça. Ouais. Pardonnez-moi, mais ça me paraît aussi loufoque que l'histoire du plan obsolète, hein. Mais ce n'est tout de même pas aussi absurde que cela si l'on considère que les informations détenues par les services de l'OTAN n'étaient pas vraiment précises. Cependant, j'ai tendance à partager votre point de vue. Ah bon, merci. Autre hypothèse? Dans le même ordre d'esprit, il a aussi été envisagé que des hackers serbes auraient pu s'introduire dans les ordinateurs de l'OTAN. Ouais, des hackers, c'est-à-dire des pirates informatiques. Oui, et en réussissant cette intrusion, il aurait été possible de fausser les informations sur les cibles déterminées et localisées par les militaires. Oh, c'est de la science-fiction, non? Pas tant que ça. Hein. On a observé tout au long du conflit du Kosovo de nombreuses attaques contre le système informatique de l'OTAN. Ces serveurs ont même été mis hors service pendant plusieurs jours. Et comment ces attaques-là ont-elles été réalisées? Essentiellement en saturant de messages et de spam ces ordinateurs. Même des sites états-uniens, dont celui de la Maison-Blanche, ont été touchés. Donc l'hypothèse de l'intrusion informatique n'est pas dénuée de sens. Mais qui étaient ces hackers, ça? Oh, sans doute des Serbes, mais dans ce genre d'opération, on évite d'habitude de signer. Mm-hmm. Il n'en reste pas moins qu'on a sans doute assisté là à une tentative originale. Quoi, la première cyberguerre, au fond? C'est ce que pensent les spécialistes. Et aujourd'hui, vous le savez, ces attaques de pirates informatiques sur des sites sensibles, attaques qui se sont reproduites de nombreuses fois après 1999, sont désormais l'objet d'une préoccupation permanente des services de sécurité. Ouais. Du monde entier. Ouais, d'autant que ces attaques informatiques ne sont pas le fait d'initiatives individuelles. Hein. Toujours, c'est vrai. Très souvent, ce sont des États qui se trouvent derrière. Mais je reviens à notre sujet. Mm-hmm. J'ai déjà esquissé cette thèse tout à l'heure et c'est la plus perverse ou la plus machiavélique, comme vous voudrez. La Chine, en permettant aux militaires serbes d'utiliser leur ambassade comme lieu de transmission, aurait délibérément provoqué les Américains et les aurait même poussés à bombarder leurs bâtiments. Ce que je trouve pour ma part assez peu crédible. Hein. Sauf quand on prend en compte tous les bénéfices que la Chine en a retirés. Lesquels, là? Je vous l'ai dit, il y avait d'abord le désir de passer sous silence le 10e anniversaire de Tiananmen. Ouais, c'est vrai qu'à cause de la guerre du Kosovo et de la destruction de l'ambassade chinoise, on n'en a guère parlé cette année-là. Hein. D'autre part, Pékin n'a pas été mécontent de passer pour une victime. Il y avait aussi son désir d'entrer dans l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, à des conditions privilégiées. Les Américains en position de faiblesse étaient mal placés pour s'y opposer. Alors même que dans les premières négociations, ils s'étaient montrés relativement fermes. Mmh. Et cette admission-là, l'OMC a eu lieu quand? Dès la fin 1999, Américains et Chinois ont signé un accord. Oui, ça n'a pas traîné. Hein. Troisième raison. Cette affaire d'espionnage chinois aux États-Unis qui venait d'être rendue publique par le rapport Fox. En prenant prétexte de cette attaque de leur ambassade, contraire à tous les droits internationaux, les Chinois pouvaient assez légitimement espérer que l'affaire serait sinon étouffée, du moins assez rapidement oubliée. Ouais, parce qu'ils considéraient que les Américains, enfin, malgré toute leur dénégation, avaient été à leur tour pris la main dans le sac. Ah, et enfin, si ça compte dans un pays où il convient avant tout de ne jamais perdre la face. Ils étaient en droit de demander aux États-Unis des dédommagements substantiels. Ce à quoi Washington a consenti. Tout à fait. Hein, ouais. Alors peu importe la somme qui a été payée, mais c'était le geste qui comptait. Voyez donc que du côté chinois, le bénéfice n'a pas été négligeable. Sans compter que le réchauffement entre la Chine et les États-Unis n'a guère tardé, commerce oblige, même si d'autres affaires d'espionnage viendront encore altérer les rapports entre les deux pays. Vous avez peut-être raison, mais moi, je suis pas entièrement convaincu là par votre démonstration. Libre à vous de douter. Ouais. Une dernière question, toutefois. Alors, vous avez promis d'obtenir une preuve de la culpabilité des États-Unis dans cette prétendue bavure. C'est exact. Mmh. Et la voici. Je vous ai détaillé le processus assez complexe et très bureaucratique de la désignation des cibles à bombarder. Eh bien, il apparaît que dans cette liste, la localisation de l'ambassade de Chine, censée être le bâtiment de la délégation serbe à l'armement, a été le seul objectif désigné par la CIA. Bon, je pense que c'est suffisamment clair, non ? J'ai trouvé dans un numéro de l'Expansion de juin 1999 une autre information assez troublante sous la signature d'un ancien opérateur radar travaillant pour la force aérienne tactique de l'OTAN. Cet homme, Daniel Depris, évoque la destruction des locaux d'une chaîne de télévision serbe affectée à la propagande par une bombe du même type que celle qui a ravagé ensuite l'ambassade chinoise. Or, selon lui, le nouvel émetteur a été installé dans cette ambassade, et il poursuit ainsi. C'est ce qui explique que lorsque la chaîne recommença à émettre des émissions préenregistrées fournies par les militants chargés de faire taire cette source de propagande, détruisirent en fait une partie des bâtiments de l'ambassade, très exactement ceux qui supportaient l'émetteur. Les Chinois ne pouvaient cependant pas ignorer qu'ils couraient, ce faisant, le risque d'être atteint par des bombes dont le système d'acquisition finale de l'objectif était guidé par la fréquence d'émission. Dès lors, on peut légitimement penser que les diplomates chinois ont délibérément pris le risque d'être bombardés, et ce, de manière à pouvoir tirer profit de cet incident, tant sur le plan de la politique étrangère, en monnayant leur compréhension entre guillemets, que sur le plan de leur politique intérieure. Cette affaire survenait en effet fort à propos, notamment pour détourner l'attention du peuple chinois de l'anniversaire des événements de Tiananmen. Une thèse qui, il faut le reconnaître, recoupe assez exactement les propos de Monsieur X. À samedi prochain sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission et la podcaster. Michel Billou, Rebecca Denant, Ilinka Negulesco et Monsieur Jou m'ont aidé à préparer cette émission. Et tout de suite après le Flash CO2, mon amour de Denis Chessou.